بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا ودراستنا في القواعد المثلى التي ألفها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va continuer inchallah sur l'étude des règles exemplaires liées au nom parfait de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ses attributs parfaits. Et donc on est arrivé, dans la lecture de ces règles, à la quatrième règle. وصلنا إلى القاعدة الرابعة. Donc nous sommes arrivés à la quatrième règle du fait qu'on a étudié les trois premières. Et comme vous avez pu constater, les trois premières règles, elles sont liées au nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont liées à ce qu'on appelle l'asma ul husna, comme on l'a dit dans la première règle. L'asma ul husna. Donc, dans ce livre, on apprend des règles très importantes qui sont immensément profitables pour comprendre les noms parfaits de notre Créateur subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Dans la quatrième règle, l'auteur va nous enseigner un enseignement immensément profitable pour comprendre les mots, les textes. Cette règle-là s'applique aussi bien pour les noms parfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme pour d'autres thèmes aussi. En l'occurrence, concernant les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'auteur nous dit « fi hadhihi al-qa'ida » dans cette règle, دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام وبالالتزام مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. L'auteur commence en nous disant que les noms d'Allah, exalté soit-il, désignent son être. C'est ce qui est traduit par that, désigne son être et ses attributs. بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. Il va citer trois termes. Les noms d'Allah Azza wa Jal indiquent aussi bien son être par مطابقة qui est traduit par correspondance, at-tadammun, deuxièmement, par inclusion, et troisièmement, par implication, al-iltizam. Donc on va essayer de les comprendre en arabe, et inshallah, vous allez mieux comprendre inshallah. Dans tous les cas, il fallait donner des sens à ces termes, donc on a trois termes. On a trois termes. Al-mutabaqa, wat-tadammun, Walil Tizam. Trois indications ici. Ce sont ce qu'on appelle des indications. L'indication par correspondance, l'indication par inclusion, et troisièmement, l'indication par implication. Al Mutabaqa, Wattadammun, Walil Tizam. Pourquoi l'auteur nous enseigne cela dans cette règle? Vous allez comprendre. Donc l'auteur nous dit, pour revenir à la quatrième règle, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal donc indiquent l'être, c'est-à-dire son être, Allah subhanahu wa ta'ala, et ses attributs. Pourquoi ? Parce qu'on a dit dans une règle précédente que al-asma, c'est a'lamun wa awsaf. Ce sont des noms propres et aussi des qualificatifs. Ça, c'est très important. Donc, les noms d'Allah, si on se pose la question, et si on nous pose la question, est-ce que ce sont des noms propres seulement ? Non. C'est pas seulement des noms propres. Mais aussi, il y a des awsaf, des qualificatifs. Donc, ils sont noms propres et ils sont aussi qualificatifs. Est-ce que les noms d'Allah, Azza wa Jal, sont différents ou bien sont-ils synonymes ? Mutaradifa, ou mutabayina, sont-ils différents ou bien sont-ils synonymes ? On avait répondu à cette question justement dans l'étude d'une règle précédente. Et l'auteur nous a enseigné qu'on ne peut pas répondre d'une manière absolue. Si c'est lié au nom propre d'Allah, Azza wa Jal, si c'est lié à l'entité même d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors les noms sont tous synonymes, de sorte qu'ils nomment le même, qui est Allah, Azza wa Jal. Par contre, si c'est lié au qualificatif, si c'est lié au sens, au qualificatif, alors ils sont différents. Pourquoi ? Parce que chaque nom a son sens. Ça, c'est ce qu'on a appris dans une des règles précédentes. Ça, c'est important de le revoir et de le comprendre, puisque là, on va bien comprendre ce qui va suivre. Là, l'auteur va nous enseigner quelque chose de très important. Donc, il nous dit, les noms d'Allah Azza wa Jal désignent son être. Désignent al-dhat, l'être d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, il désigne ses attributs. Que ce soit par correspondance, par inclusion ou par implication. C'est la traduction des trois termes, que ce soit bil mutabaqa, ou bil tadammun, ou bil iltizam. Si on a compris, premièrement, les trois termes, enfin, on va mieux les comprendre dans ce qui va suivre, mais si déjà on a retenu les trois termes, l'auteur maintenant nous dit mithal ou zalik. Exemple. Il dit al-khaliq yadullu ala dhati llahi wa ala sifati al-khalq bil mutabaqa. Il dit par exemple le nom d'Allah Azza wa Jal, le créateur, al-khaliq. Il indique aussi bien l'être, il désigne Allah Azza wa Jal, mais aussi bien il indique l'attribut de la création. L'attribut de la création. Bil mutabaqa. Et cela par correspondance. On va le comprendre. Pourquoi on dit comme cela? Wa yadullu ala dhati wahdaha. Wa ala sifati al-khalqi wahdaha. Bi at-tadammun. Mais aussi le nom peut indiquer. Par exemple, l'être. Il peut désigner Allah Azza wa Jal. Ou bien, il peut désigner, indiquer l'attribut. L'attribut. Ça, c'est, il dit par at-tadammun, par inclusion. Ou bien, yadullu ala sifatay al-ilm wal-qudrati bil-iltizam. Ou bien, il peut indiquer deux des qualificatifs des attributs d'Allah Azza wa Jal comme l'attribut de la science et l'attribut du pouvoir, de la capacité, et cela par implication. Cela par implication. Donc là, on a traduit ce que l'auteur dit. Maintenant, on va prendre l'explication. Dans l'explication, Cheikh il dit وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَا تَخْتَصُ بِالْأَسْمَاءِ فِي الْوَاقِعِ بَلْ كُلُّ لَفْظٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى بِالْمُطَابَقَ وَالتَّضَمُّنْ وَالِلْتِزَامِ وَلِهَذَا نَقُولَ أَنْوَاعُ الدِّلَالَةِ ثَلَاثَةَ بِالْمُطَابَقَةِ وبالتضمن وبالالتزام. L'auteur là, il nous dit, cette règle-là n'est pas liée seulement, n'est pas spécifique et particulière au nom divin, au nom d'Allah Azza wa Jal, mais celle-ci s'applique à tous les énoncés. À tous les énoncés. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى. C'est-à-dire que cela indique un sens, il y a une indication à travers Al-Alfaz, à travers les énoncés, les mots, il y a des indications. Ces indications, soit elles sont au nombre de trois, soit c'est une indication par correspondance, soit c'est une indication d'inclusion ou bien d'implication. Ou bien d'application. Donc, وَلِهَادَ نَقُولْ أَنْوَاعُ الدِّلَالَ. Pour cela, il dit, nous disons que les catégories d'indication, lorsqu'on dit d'indication, ce qu'ils indiquent, les catégories d'indication sont au nombre de trois. Une indication بِالْمُطَابَقَ, par correspondance, une indication d'inclusion, une indication de déduction. Vous allez mieux comprendre avec les... Là, on traduit littéralement ce que dit l'auteur. Ensuite, on va mieux comprendre puisqu'il va donner des exemples. Et vous allez ensuite, lorsque vous allez mieux comprendre, là ensuite, vous allez comprendre l'enseignement bénéfique qu'il y a à travers l'étude et la compréhension de cela. Puisque c'est ça le but ensuite. Il dit, donc ce qu'il faut retenir premièrement, là, on parle du terme. Qu'est-ce que le terme indique? Qu'est-ce qu'il désigne? Donc, il désigne une chose et il va y avoir des indications. Il va indiquer quelque chose. Ces indications-là, il y a trois catégories. Sont au nombre de trois. C'est ça ce qu'il nous apprend. Alors, il dit ensuite, bil mutabaqa. Al-Mutabaqa, lorsqu'on dit Mutabaqa, le mieux c'est de rester sur les termes en arabe. Vous avez dû comprendre maintenant pourquoi on n'a pas fait cela, on n'a pas étudié ce chapitre-là samedi, ni dimanche, lorsqu'il y avait un peu plus de monde, puisque c'est pas, ça convient pas, on va dire, à tout le monde. Malgré que, il y a une grande faïda, tout le monde doit comprendre cela. Mais ça, c'est chacun selon son niveau d'étude et de compréhension. Bil mutabaqa, lorsqu'on dit une indication liée à la correspondance, vous allez comprendre. Bi'atibari dalalati al-lafz 'ala jami' al-ma'na. Lorsque le terme désigne tout le sens dans la totalité, il désigne tout le sens, on dit l'indication par correspondance. Vous allez comprendre le terme en français, ça reste fi anavar. Ça reste relatif et approximatif, vous allez mieux comprendre. Qala wa takunu bit-tadammun hiya dalalatu al-lafz 'ala ajza'ihi. Par contre, lorsque l'énoncé indique ou le terme indique une partie du sens de celui-ci, on dit c'est par inclusion. On dit c'est par inclusion. Wa bil iltizam هي دلالة اللفظ على معنى خارج لا يدخل تحت الاشتقاق. Par contre, lorsqu'on dit par implication, c'est-à-dire que le terme va indiquer une chose à la base qui ne fait pas partie, qui n'est pas à la base incluse, ou plutôt, pardon, une chose qui n'est pas, on va dire, لا يدخل تحت الاشتقاق. À la base, il n'est pas nommé. Mais il sera indiqué par implication. C'est une implication. Min al-lawazim. Min al-lawazim. Mithal ou zalik. Et là, vous allez mieux comprendre avec le mithal. Pourquoi on dit correspondance? C'est lorsque le terme indique, on a dit, tout le sens. Il correspond. L'indique correspond, l'indication. Elle correspond en français. Regardez, mithal, مثال ذلك إذا قلت هذه دار فإنها تشمل الحجر والغرف والبرحات وكلها دلة وكلها دلالة مطابقة. Il dit par exemple, si on prend l'exemple d'une maison, dans l'énoncé suivant par exemple, j'ai acheté une maison. La maison, à la base, si on prend le terme la maison, elle indique tout l'ensemble. Qu'est-ce qu'elle comprend la maison ? Dans la maison, il y a des chambres, des pièces, cuisine, il y a des balcons et autres. Lorsqu'on dit la maison, elle va indiquer en même temps tout. On sait que lorsqu'on dit maison, il y a des chambres, il y a des pièces, il y a cuisine. Lorsque on dit maison, il indique tout. Lorsque l'indication indique tout le sens du terme, il correspond à tout le sens du terme, c'est bilmutabaqa. Regardez, il dit, j'ai acheté une maison. Le mot maison indique avant tout l'ensemble de la maison, à savoir tous ses constituants. Tous ses constituants. Cuisine, salle de bain, chambre, mur, etc. Le mot maison signale également chacun des constituants de la maison par inclusion. Maintenant, regardez. Si on dit le mot maison, il correspond à quoi ? Si on veut dire tout le sens que la maison, elle comprend un ensemble des pièces, des chambres, des cuisines, elle indique tout ça. Bil mutabaqa. Parce que tout cela correspond. Tout cela correspond au sens du terme. Correspond. Par correspondance. Par contre, maison peut indiquer une partie. Une partie de ce qu'elle comprend. Le terme maison peut indiquer une partie. C'est-à-dire, il dit, signale également chacun des constituants de la maison par inclusion. C'est-à-dire, lorsqu'on dit maison, ça induit que dans la maison, il y a une cuisine. Si on ne veut pas tout le sens, il y a tant d'hommes, ça, là, il est dit par inclusion, ça inclut que dans la maison, il y a une cuisine. Lorsqu'on dit maison, ça inclut qu'il y a, par exemple, des akramakumullah, des sanitaires. Ça inclut qu'il y a des sanitaires. Ça, c'est par inclusion. Ça sous-entend qu'il y a des sanitaires. Et aussi, ça implique des choses. Ça implique, regardez ce qu'il va dire ensuite, il dit, signale également chacun des constituants de la maison par inclusion, il renvoie aussi au constructeur par implication. Ça implique quoi, par exemple, que cette maison a un constructeur. Le constructeur n'est pas dit dans le terme, mais ça implique. Ça implique que quelqu'un l'a bâti, l'a construite cette maison. Ça, c'est par implication. Maintenant, là, c'est un exemple qu'il donne. Il donne cet exemple. مثال ثاني. Il donne un deuxième exemple. كلمة السيارة. كلمة السيارة. Le mot voiture. Le mot voiture. تدل على كل السيارة. Le mot voiture va indiquer tout ce que la voiture comprend. Si le sens, tout ce qu'elle comprend la voiture, comme moteur, par exemple, comme habitacle, ça c'est moi, comme habitacle ou autre, tout cela, la voiture, elle comprend. Donc tout cela correspond à la voiture. Lorsqu'elle indique, le terme désigne tout ce que comprend et dont est constituée la voiture, c'est bilmutabaqa. Parce que la voiture correspond à tout ça. Correspond. Vous avez vu pourquoi on dit par correspondance? Bilmutabaqa. Elle correspond à tout cela. C'est-à-dire que la voiture comprend, la voiture est constituée de moteurs, d'habitacles, de sièges, un exemple, et tout ce qu'elle comprend. Tout cela correspond, lorsque tout est cité, tout le sens correspond à la voiture. Bilmonta abaka, par correspondance. Elle indique kul al-ajza. Par contre, lorsqu'on dit voiture, ça peut indiquer certains constituants. Ça peut, on va dire, induire. Bittadammun, ça induit, ça sous-entend que la voiture, il y a des sièges. Ça sous-entend que dans une voiture, il y a un moteur. Lorsque on cite, elle désigne un constituant parmi les constituants, mais pas tous, alors, c'est bittadammun. C'est une indication qui est sous-entendue. C'est-à-dire que la voiture, il est sous-entendu, elle inclut, elle induit qu'il y a, par exemple, dans la voiture, un moteur. Voilà. فكل شيء بالمطابقة وتدل على العجلات فقط أو على البطارية فقط بالتضمن. Lorsque le terme on dit voiture, il indique par exemple la batterie ou bien les roues, c'est par inclusion. C'est par, comme je viens de le dire précédemment, c'est par inclusion. Lorsqu'on dit voiture, forcément, ça inclut qu'il y a des roues. Forcément, ça inclut qu'il y a une batterie. Vous allez mieux comprendre ce que veut dire l'auteur. Il faut comprendre déjà les trois termes, c'est pour ça que je le fais progressivement. On comprend déjà les trois termes, et ensuite, vous allez comprendre très simplement. Et aussi, ça implique que cette voiture, lorsqu'on dit voiture, elle indique quelque chose par implication. Regardez, le terme voiture va indiquer quelque chose par implication. Ah si, il va fermer. S'il ferme, vous êtes bloqué. Énorme. Par contre, le terme voiture, il peut indiquer quelque chose qui n'est pas compris, qui ne fait pas partie des constituants de la voiture, qui n'est pas compris. Mais c'est par implication. S'il y a une voiture, forcément, ça implique qu'il y a un constructeur. Le constructeur, il n'est pas indiqué bilmutabaqa, il n'est pas indiqué par correspondance, il n'est pas indiqué par inclusion, mais il est indiqué par implication. C'est-à-dire, une voiture, lorsqu'on entend le terme voiture, ça implique qu'il y a un constructeur. Donc là, d'abord, Cheikh, il nous explique d'une manière générale le terme. D'une manière générale. Il donne un troisième exemple. Vous avez vu, dans la traduction, vous avez un exemple. C'est l'exemple de la maison. Sinon, l'auteur, Shir, dans son commentaire, il donne différents exemples. Il donne un troisième exemple. Avant de nous expliquer le nom d'Allah, Al-Khaliq, le créateur. Pardon. On prend ce troisième exemple pour bien comprendre. Il dit Al-Jamalou. Al-Jamal, le chameau. Le chameau, qu'est-ce qu'il indique? On parle du terme. Parce que là, cette règle-là, elle est liée aux indications. Il y a trois sortes d'indications. Une indication de Mutabaqa, une indication de Tandammun et une indication de Al-Itizam. On parle de ça. C'est ça. D'abord, il faut cerner de quoi on parle. On parle des termes, qu'est-ce qu'ils indiquent. Et les savants nous enseignent, il y a trois catégories d'indications. Le chameau, par exemple. Le chameau, il indique, il peut indiquer tout le chameau. Lorsqu'on dit El Jamel, si ça indique tout le chameau, vous avez vu tout le sens, ça c'est bi al-mutabaqa, par correspondance, c'est-à-dire tout cela correspond au terme. Tout le chameau correspond, correspondance. Il convient. يتوافق. وعلى يده ورجله أو رأسه إلى آخره. Ou bien, le terme chameau, il peut indiquer, par exemple, ses pattes. Il peut indiquer sa tête ou d'autres membres. Si c'est pas tout, donc c'est une indication d'inclusion. C'est-à-dire, ça inclut. Lorsqu'on dit chameau, ça inclut qu'il a des pattes. Ça inclut qu'il a des pattes, le chameau. Ça inclut qu'il a une tête. Ça inclut qu'il a une tête. Mais pourquoi ? Ça, c'est pas une indication de correspondance. Parce que si on dit la tête du chameau, ça correspond pas à tout le chameau. Si on dit la tête, ou bien on veut sous-entendre les pattes, est-ce que ça correspond à tout le chameau ? Non. Mais le terme chameau sous-entend, induit, inclut qu'il y a pattes, tête, etc. etc. وَعَلَى أَنَّ لَهُ خَالِقًا دَلَادَةِ الْإِلْتِزَامِ Lorsqu'on entend chameau aussi, ça va nous indiquer quelque chose. Ça va nous indiquer quelque chose. Ça nous indique quoi ? Quelque chose qui n'est pas mentionné. Quelque chose qui est extérieur. لَا يَتْرُلْ فِي اللَّفْضِ Il n'est pas dans le lofd. Il est externe, extérieur à l'énoncé. Mais il indique quelque chose par implication. C'est une implication. مِنَ اللَّوَازِمِ C'est obligé. Lorsqu'on entend le terme chameau, ça implique qu'il y a un créateur. Ça implique qu'il y a un créateur pour ce chameau. Pour ce chameau. Donc, pour résumer, et ensuite, là, il va nous donner vraiment le sens de cela. Pour résumer, il dit, ou pour résumer, إذن دلالة المطابقة مساواة اللفظ للمعنى. Donc l'indication par correspondance, c'est lorsque le sens correspond à tout le terme. Tout le terme. Lorsqu'il correspond, lorsqu'il indique le sens, tout le terme, alors c'est une indication de correspondance, parce qu'il correspond à tout le terme. Par contre, دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى. Par contre, lorsqu'on dit que ça indique, c'est indiqué par inclusion, c'est une indication qui indique une partie du sens. Lorsque c'est une partie du sens, c'est indiqué par inclusion. Ça sous-entend. Le terme chameau, si c'est une partie, il sous-entend qu'il y a des pattes. Une tête. Et dalalatul iltizam ala shay'in kharij. Et l'indication d'implication, c'est une chose qui est externe. C'est une chose qui est externe, qui ne fait pas forcément partie intégrante du terme. Il ne fait pas partie intégrante du terme. Wa daraba al-mu'allif mathalan li dhalika al-khaliq. Et ensuite, Cheikh dit, et l'auteur va donner un exemple maintenant avec un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque, dans le commentaire, il dit l'auteur, il parle de lui. Cheikh Ibn Uthaymeen, il parle de lui. Quand il dit Qal al-Musannif, il dit lui. Il veut se sous-entendre l'auteur. Si on a compris cela d'une manière générale, on voulait, l'auteur nous a donné des exemples pour comprendre les trois catégories d'indications. Les trois catégories d'indication. Pourquoi l'auteur a rédigé cela et a cité cela parmi les règles concernant les noms divins ? Pourquoi l'auteur a cité cela parmi les règles concernant les noms divins ? Et là, vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Il dit Al-Khaliq. Lorsque on entend le nom, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Khaliq, le créateur. Al-Khaliqu fait partie des noms divins, si on peut dire de la sorte. Al-Khaliqu. Lorsqu'on entend ce nom, Al-Khaliqu, il dit, Yadullu ala fa'il wa sifa. il indique celui qui crée et il indique le qualificatif, l'attribut de la création. Donc, lorsque on entend le nom Al-Khaliqu, ça, le nom d'Allah Azzawajal, le créateur, ça désigne Allah Azzawajal et aussi l'attribut, le qualificatif d'Allah Azzawajal qui est l'attribut de la création. L'attribut de la création. فالفاعل هو الله. Celui qui crée, celui qui fait, c'est qui ? C'est Allah. والصفة هي الخلق. Et l'attribut, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle الخلق. فالخلق هو الصفة. الخلق هو الصفة. Donc, الخالق, il désigne le créateur et il indique aussi l'attribut de Al-Khalqu, de la création. La Buddha fihi min ilm, wa la Buddha fihi min qudra. Et donc, celui qui a créé, qui est Allah Azzawajal, il faut l'ilm, la science pour créer. Il faut avoir la science éternelle et infinie et parfaite pour créer. Et il faut aussi la capacité de pouvoir créer. Il faut la capacité de pouvoir créer. Parce que celui qui n'a pas la science parfaite et infinie éternelle ne peut pas créer. Et celui qui n'a pas la capacité, la yumkinu an yakhluq. Wa man la yaqdir la yumkinu an yakhluq. Wa lihadha qala yadullu ala sifatay al-ilm wal-qudra bil-iltizam. Al-Iltizam. Si maintenant vous avez compris cela, qala li'anna al-ilm wal-qudrata la yadullu alayhima min haythu al-ishtiqaq fal-lafdhu min haythu al-ishtiqaq yadullu ala khaliqin wa khalq lakin ala ilmi wa qudratin wa iradatin la yadull wa qad zidna al-iradata li'annahu la yumkinu khalqun illa bi'ilmin wa iradatin wa qudra. فدلالة الخالق أو الخلاق على أو الخلاق على العلم والإرادة والقدرة دلالة الالتزام لأن النفس الإرادة والعلم والقدرة لا يدل عليها اللفظ الخلق أو لفظ خلق. Donc si vous avez compris ce qu'on a cité là, ce que la traduction qu'on a fait du commentaire de Cheikh, donc il dit le terme Al-Khaliq, il peut désigner Al-Fa'il, celui qui a créé. C'est qui ? C'est Allah. Et il peut désigner aussi l'attribut de la création, le qualificatif. Cela, c'est, il indique aussi bien le créateur que l'attribut. Regardez, Al-Khaliq, le nom, indique aussi bien le créateur, Allah Azza wa Jal, celui qui a créé, que l'attribut, le qualificatif de la création. Lorsqu'il indique cela, donc il correspond, l'indication correspond au terme. Cette indication-là, lorsqu'elle indique tout le sens, lorsqu'elle correspond à tout le sens, c'est dilalat al-mutabaqa. Dilalat al-mutabaqa. Maintenant, vous pouvez rester sur le terme en arabe. Parce qu'en français, par correspondance, c'est un peu complexe. Dilalat al-mutabaqa. Si yadullu ala dhat wahdaha. Si maintenant le nom indique juste, pardon, le nom, naam, indique juste dhat, l'être, le créateur, Allah Azza wa Jal. Sebi al-tadammun. Ça sous-entend al-khaliq, qu'Allah est le créateur. Et qu'Allah est créateur. Ça sous-entend qu'Allah est créateur. Si par exemple, il indique, il désigne juste l'attribut, et bien aussi, Al-Khaliq, ça induit, ça sous-entend Quel Khaliq a l'attribut de la création. Qu'il y a l'attribut de la création. Ça, c'est bi at-tadammun. Bi at-tadammun. Wa yadullu ala sifatay. Et aussi, al-Khaliq va indiquer deux attributs. Deux autres attributs. L'attribut du ilm et l'attribut de la capacité, du pouvoir. Pourtant, ce n'est pas indiqué dans le Khaliq. Mais ça, c'est par implication. Le créateur, ça implique qu'il a la science parfaite et infinie éternelle. Et ça implique qu'il a la capacité, le pouvoir de créer. Donc, sifatay, les deux attributs, el-ilm, la science et le pouvoir, est-ce qu'ils sont indiqués dans le terme? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce que c'est indiqué? C'est indiqué, mais par implication. Bénitizam. C'est indiqué par implication. Parce que le créateur, ça implique. Ça implique qu'il a la science et qu'il a l'attribut de du pouvoir. De pouvoir créer. Et il dit, dans le commentaire, on peut même rajouter que ça implique l'attribut de l'irada, le fait de vouloir. L'attribut du fait de vouloir. L'irada, vouloir. Pourquoi? Parce que pour créer, il faut vouloir aussi. Donc ça implique qu'Allah Azzawajal a voulu créer. وجه ذلك الأول أنه لا يمكن خلق إلا بعلم بأن يعلم كيف يخلق والثاني إرادة والثالث قدرة القدرة. Donc la science, pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas, qui n'a pas la science, ne peut pas créer. La capacité, celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Il faut vouloir. Donc le terme khaliq, ça implique qu'Allah Azza wa Jalla aussi a l'attribut, ça implique l'attribut de la science, comme on l'a dit, du pouvoir, al-qudra, et de la volonté. Une traduction approximative. Qala. Idhan. Donc, regardez, pour résumer. Dalalatu asma'illahi ala dhati wa sifa. Donc, l'indication des noms d'Allah Azza wa Jalla. Les noms d'Allah indiquent aussi bien al-dhat wa sifa. Il désigne aussi bien le créateur subhanahu wa ta'ala, il désigne Allah subhanahu wa ta'ala comme il désigne l'attribut, le qualificatif. Ça indique. Le nom donc indique aussi bien al-dhat, Allah azza wa jal, Allah et l'attribut. Cette indication-là, comme cette indication, elle correspond à tout, le sens, alors c'est une indication par correspondance. Elle correspond. Elle correspond. C'est une indication bil mutabaqa. Il dit wa dalalatuha ala dhat wahdaha aw sifati wahdaha dalalatu tadammun. Par contre, ça peut indiquer soit l'être Allah Azza wa Jal, l'entité, le créateur subhanahu wa ta'ala, soit le nom, il peut indiquer l'attribut. Le nom, il peut indiquer l'attribut. Par exemple, si on dit Allah Azza wa Jal huwa as-sami'a, Allah est celui qui est le parfait entendant, si on peut traduire de la sorte, celui qui entend parfaitement. Allah huwa as-sami'a. Ça induit, sous-entend, l'attribut de l'audience. Ça induit, ça sous-entend l'attribut de l'audience. Ça indique, vous avez vu, ça indique. Ça indique, pour ça on dit par inclusion. Ça sous-entend, ça induit. Donc l'indication, ça indique par inclusion l'attribut de l'audience. L'attribut de As-Sama. Donc c'est Bittadammun, Bunta Abaqa ou Bidiltizam. C'est le deuxième. tadammun, bit tadammun. Et donc, as-samia, celui qui entend parfaitement tout, as-samia, ça implique qu'il est vivant. Ça implique annahu al-hayy. Ça implique qu'il est vivant. Ça implique sifatu al-hayat, l'attribut de la vie. L'attribut de la vie. Vous comprenez? Et ça, ça réfute aussi les négateurs, par exemple, des attributs, qui disent nous affirmons le nom sans l'attribut. Alors que l'attribut, il est indiqué dans le nom. L'attribut, il est indiqué dans le nom. Bi at-tadammun. Il est indiqué par inclusion. Et ça, c'est très important. Donc, il y a trois indications. Les termes désignent. Soit tout ce qui correspond, soit ce qui est inclus, soit ce qui est impliqué. Ce qui est impliqué. Vous comprenez mieux là ? Et ensuite, l'auteur va nous expliquer, vous allez mieux comprendre. Quand on a cette connaissance-là, vous allez voir que parfois, on va lire des textes, des versets, on voit un enseignement, mais lorsqu'on connaît, par exemple, Dilalat al-Iltizam, l'indication par implication, alors, il y a un enseignement qui est apparent, mais on sait que cela implique telle et telle et telle chose. C'est comme cela que les savants ont déduit. Ça sert à la déduction. Ilm al-Istidlal. Comment les savants ont déduit des textes? Ils ont déduit des choses par implication. Parce que telle chose implique telle et telle chose. Applique telle et telle chose. Vous allez mieux comprendre. Ensuite, l'auteur va donner des très beaux exemples. Qala. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Et là c'est très pertinent parce que ce que l'auteur a cité que le créateur ça implique une indication d'application, ça implique qu'il a la science et qu'il a le pouvoir. Ça implique qu'il a la science et qu'il a le pouvoir. Observez le verset 12 de la sourate At-Talaq. Le verset 12 de la sourate At-Talaq. Allah dit: "Lit'alamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir." Pour que vous sachiez qu'Allah est capable de tout. Al-Qudra. Qu'Allah est capable de tout. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Et qu'Allah cerne de tout. Et qu'Allah cerne de tout. Ou qu'Allah cerne tout par son savoir. Par son ilm, traduction approximative. Dans le verset sur At-Talaq, donc Allah nous dit, pour que vous sachiez qu'Allah est capable de tout, il a l'attribut de l'Qudra, il a le pouvoir sur tout, et que vous sachiez qu'Allah cerne de tout, ou cerne tout par son savoir. Par son savoir. فَدِلَلَةُ الْإِلْتِزَامُ مُفِيدَةٌ جِدًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا تَدَبَّرَ الْمَعْنَى وَوَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهْمًا. Regardez ce qu'il dit là. Il dit ce qu'on appelle l'indication par implication. Maintenant, je pense que vous comprenez mieux l'indication bil-iltizam, l'indication par implication. Il dit ça, c'est mufidatun jiddan li talib al-ilm. C'est quelque chose de très profitable et bénéfique pour le talib al-ilm, pour l'étudiant en science. Il dit idha tadabbara al-ma'na. Pour celui qui médite l'essence. Celui qui médite l'essence, de connaître cette règle-là, les indications par correspondance, l'indication par inclusion, ou l'indication par implication, ça c'est très important pour celui qui médite, qui veut méditer l'essence. Qala. Et pour celui qu'Allah, regardez ce qu'il dit, وَفَقَهُ تَعَلَى فَهَمَنْ لِتَّلَزُمْ. Et pour celui qu'Allah lui a donné la réussite, et le succès dans la compréhension des implications. Dans la compréhension des implications. Vous allez mieux comprendre parce que Cheikh, il va donner un exemple très pertinent. فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. De ce fait, le talib al-ilm, l'étudiant, le lecteur, quel va être le profit? Eh bien, il dit, d'une seule preuve, d'un seul argument, il va déduire plusieurs questions. Il va déduire plusieurs questions d'un seul argument. Il va déduire différentes questions. C'est ça ce qu'on appelle la science de la déduction. Il va déduire. Pourquoi? Parce que les savants des textes, ils déduisent. Ils déduisent. Vous allez comprendre. Il donne un très bel exemple. قال دلالة الالتزام من أنفع ما يكون لطالب العلم. Donc il dit, l'indication par implication, ça fait partie des choses les plus bénéfiques pour l'étudiant. إذا وفق الإنسان لمعرفة اللوازم. Et si donc il dit, ça maintenant on est dans le commentaire, une partie du commentaire. On commente ce qu'on vient de lire. Ce qu'on vient de lire, ça fait partie du texte. Il dit, si l'individu, Allah lui a donné une réussite dans la compréhension et la déduction, des implications, alors d'une preuve, il va déduire différentes questions. وَمِنْ ثَمَّ تَجِدُ الْعُلَمَاءَ تَخْتَلِفُ أَفْهَامُهُمْ فِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصِ بِنَاءً عَلَى مَا يَفْهَمُونَهُ مِنَ اللَّوَازِمِ. Et donc c'est pour cela qu'il dit la compréhension des savants, des grands théologiens musulmans, elle diffère, leur compréhension varie et diffère selon leur compréhension des applications des textes. Selon فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ بِنَاءً عَلَى مَا يَفْهَمُونَهُ مِنَ اللَّوَازِمِ. Regardez, مَثَلًا, et avec l'exemple vous allez mieux comprendre. فَمَثَلًا لَوْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ يَجُوزُ لِي الرَّجُلُ أَنْ يُصْبِحَ صَائِمًا جُنُوبًا. Par exemple, si une personne se pose la question, est-ce qu'en journée de Ramadan, maintenant il va donner un exemple, par exemple dans une question, en journée de Ramadan, est-ce qu'il est permis pour l'homme de se lever un beau matin en état de jeûne, mais il est en même temps junuban, janaba, il est en état de janaba. Alors, est-ce qu'il est possible pour un jeûneur de se lever un beau matin, il est en même temps sa'im ou huwa junub? Et il est en état d'impureté majeure. En français, comme on dit, al-janaba, al-janaba. Fal-jawab, la réponse, il dit oui. De sens, celui qui est en état de janaba, ça n'annule pas son jeûne, ça n'annule pas sa journée. Si en même temps, il est à beau matin en état de jeûne et il se lève janaba, il dit, ça n'annule pas son jeûne, il peut continuer. Comment il déduit ça? Comment il peut répondre à cela? Regardez. Dans le verset célèbre de Sourate al-Baqarah, le verset 187, lorsqu'Allah dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dans le verset, Allah dit فَالْآنَ Bashiruhun. À présent, vous pouvez vous approcher d'elle. Une traduction relative. Vous approchez d'elle. Wabtaru ma katab Allahu lakum. Wakulu washrabu. Et mangez et buvez. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Et mangez et buvez jusqu'à ce que apparaisse à vous clairement ce qu'on appelle le fil blanc du fil noir, ce que souvent on nomme l'aurore, min al-fajr, c'est-à-dire à l'apparition du fajr, de l'aube. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, fal-ana, à présent, vous pouvez vous approcher de vos femmes et vous pouvez boire, manger jusqu'à l'aube, jusqu'à le fajr. Et c'est de là que les savants se basent, qu'il n'y a pas une obligation de s'arrêter une heure avant, de faire un imsak 30 minutes avant. Il n'y a pas une obligation. Mais on a le droit de manger jusqu'au fajr, c'est-à-dire ilal adhan, Regardez. Dalla zalika. Qu'est-ce qu'on déduit? Que l'homme a le droit d'avoir un rapport avec son épouse jusqu'à quand? Jusqu'au fajr. Il a le droit d'avoir un rapport avec son épouse jusqu'au fajr. Wa min lazim zalik. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Que yusbih au fajr, le fajr est apparu, donc ça il est en état de jeûne et qu'il soit en état de janaba wa huwa junub. C'est pas dit, mais comment on le comprend par lawazim? Dilalat al-iltizam. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة على محمد. Donc pour terminer, regardez le temps nous dit. إذن الله عز وجل يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Regardez, إذن دلالة الآية على جواز إصباح الصائم جنوبا دلالة الالتزام. فانظر إلى هذه الفائدة. إذ قال يقول إذ قد يقول قائل لم يذكر الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنوبا وهو صائم. فنقول من لازم حل إتيان المرأة إلى طلوع الفجر أن يصبح الإنسان جنوبا. ومثال ذلك لو قال قائل هل يجوز أن يصبح الصائم بعد طلوع الفجر وهو شبعان فالجواب نعم، لأنه إذا جاز الأكل إلى طلوع الفجر فله أن يشبع Regardez ce que Cheikh nous dit. Il nous dit donc lorsque Allah nous a ouvert les portes de la compréhension des implications, alors de là, on arrive à comprendre différentes questions. Par exemple, le fait que le jeûneur puisse, il a le droit d'être à bon matin, par exemple, yusbir, après le fajr, il est en état de junoub. C'est l'aube, ça y est, là, il n'a plus le droit de manger, de boire, ça y est, il n'a plus le droit, et là, il est en état de janaba. Il n'a pas fait encore le rusl. Ikhlas. Yusbih. C'est-à-dire, il est à bon matin. Est-ce que son jeûne est annulé? Non. Pourquoi? Parce que Le verset, lorsqu'Allah Azzawajal dit, et maintenant vous pouvez avoir des rapports avec vos épouses, et vous pouvez manger, et vous pouvez boire, jusqu'à ce que le fil blanc du fil noir soit clairement apparent à vous, c'est-à-dire l'aube, el-fajr, ça implique que arrivé au fajr, il peut être en état de janaba. Si une personne dit, mais c'est pas dit dans le verset, est-ce que c'est dit qu'on peut être yusbih wa huwa junub? C'est pas dit dans le verset. Mais ça fait partie de dilat al-iltizam. C'est une signification implicite. C'est une signification qui est implicite. C'est-à-dire, il y a une indication d'implication. Ça implique. Par exemple, il pose la question. Si une personne pose la question et dit, est-ce qu'on a droit alors au fajr, par exemple, la personne jeûne, par exemple, pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan. La personne adhan al-fajr, il est shaban. Il a le ventre plein, il est rassasié. Il est rassasié, shaban. Ça, c'est le fajr. Il a plein de nourriture dans le ventre. Est-ce qu'il a le droit du yajouz ou mayajouz? La personne va dire, on ne peut pas répondre à cette question parce que ce n'est pas indiqué dans le verset. C'est pas dit dans le verset. Mais Shir dit si. C'est signifié d'une manière implicite. Ça implique que si Allah nous dit mangez, buvez jusqu'au al-fajr, ça implique qu'on soit rassasié. Donc si la personne il a le ventre plein, par exemple, au fajr, et donc à bon matin, là, il a un ventre plein, après le fajr, c'est pas interdit, ça n'annule pas son jeûne. C'est pas cité explicitement dans le verset, mais c'est signifié de manière implicite. C'est ce qu'on appelle l'awazim. C'est pour ça que les savants, à partir d'un texte, que ce soit un verset ou d'un hadith, ils ont réussi à déduire de nombreuses questions. C'est pour ça que parfois vous posez une question, le cheikh il te répond en te citant un verset ou un hadith, et toi tu ne comprends pas. Tu dis, mais il n'y a pas ma réponse. Mais en vérité, si. C'est signifié d'une manière implicite. Le verset implique telle et telle chose. Wadah al-kalam, j'espère que ça a été un peu clair. Wa nuwasil al-kalam fi yawmi ghad, inshallah. Donc comme c'est un sujet assez important, cette règle, on n'a pas eu le temps de prendre sifat salat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.